Chapitre 16e, Trêve. Une semaine s'était écoulée entre les événements que nous venons de raconter et le jour où nous allons de nouveau prendre le lecteur par la main et le conduire au château des Tuileries, désormais théâtre principal des grandes catastrophes qui vont s'accomplir. Ô Tuileries, héritage fatal légué par la reine de la Saint-Barthélemy, par l'étrangère Catherine de Médicis à ses descendants et à ses successeurs, palais du vertige qui attire pour dévorer, quelle fascination y a-t-il donc dans ton porche béant où s'engouffrent tous ces fous couronnés qui veulent être appelés rois, qui ne se croient véritablement sacrés que lorsqu'ils ont dormi sous tes lambris régicides et que tu rejettes les uns après les autres, ceux-ci cadavres sans tête, ceux-là fugitifs sans couronne. Sans doute il y a dans tes pierres, ciselées comme un bijou de Benvenuto Cellini, quelque maléfice fatal. Sans doute quelque talisman mortel est enfoui sous ton seuil. Compte les derniers rois que tu as reçus et dis ce que tu en as fait. De ces 5 rois, un seul a été rendu par toi au cabot où l'intendaient ses ancêtres, et des 4 que l'histoire te réclame, l'un a été livré à l'échafaud et les 3 autres à l'exil. Un jour, une assemblée tout entière voulut braver le péril et s'établir à la place des rois, s'asseoir, mandataire du peuple, là où s'étaient assis les élus de la monarchie. De ce moment, le vertige l'a pris. De ce moment, elle se détruisit elle-même. L'échafaud dévora les uns, l'exil engloutit les autres, et une étrange fraternité réunit Louis XVI et Robespierre, Collot d'Herbois et Napoléon, Biot-Varenne et Charles X, Badier et Louis-Philippe. Ô Tuileries, Tuileries, bien insensé sera donc celui qui osera franchir ton seuil. Et entrer par où sont entrés Louis XVI, Napoléon, Charles X et Louis-Philippe, car un peu plus tôt, un peu plus tard, celui-là sortira par la même porte qu'eux. Et cependant, palais funèbre, chacun d'eux est entré dans ton enceinte au milieu des acclamations du peuple, et ton double balcon les a vus, les uns après les autres, sourire à ces acclamations, croyant au souhait et aux vœux de la foule qui les poussait. Ce qui fait qu'à peine assis sous le dais royal, chacun d'eux s'est mis à travailler à son œuvre au lieu de travailler à l'œuvre du peuple. Ce dont le peuple s'apercevant un jour, il l'a mis à la porte comme un fermier infidèle ou on l'a puni comme un mandataire ingrat. C'est ainsi qu'après cette marche terrible du 6 octobre, au milieu de la boue, du sang et des cris, le pâle soleil du lendemain trouva, en se levant, la cour des Tuileries pleine d'un peuple ému du retour de son roi et affamé de le voir. Toute la journée, Louis XVI avait reçu les corps constitués. Pendant ce temps, la foule attendait au dehors, le cherchait, l'épiait à travers les vitres. Celui qui croyait l'apercevoir jetait un cri de joie et le montrait à son voisin en disant « Le voyez-vous? Le voyez-vous? Le voilà !» À midi, il fallut qu'il se montrât au balcon et ce furent des bravos et des applaudissements unanimes. Le soir, il fallut qu'il descendît au jardin et ce furent plus que des bravos et des applaudissements. Ce furent des attendrissements et des larmes. Madame Élisabeth, cœur jeune, pieux et naïf, montrait ce peuple à son frère en lui disant « Il me semble pourtant qu'il n'est pas difficile de régner sur de pareils hommes. » Son logement était au rez-de-chaussée. Le soir, elle fit ouvrir les fenêtres et soupa devant tout le monde. Hommes et femmes regardaient, applaudissaient et saluaient par les ouvertures, les femmes surtout. Elles faisaient monter leurs enfants sur l'appui des fenêtres, ordonnant à ses petits innocents d'envoyer des baisers à cette grande dame et de lui dire qu'elle était bien belle. Et les enfants lui répétaient « Vous êtes bien belle, madame !» et de leurs petites mains potelées lui envoyaient des baisers sans nombre et sans fin. Chacun disait « La révolution est finie. Voilà le roi délivré de son Versailles, de ses courtisans et de ses conseillers. » L'enchantement qui tenait loin de sa capitale la royauté captive dans ce monde d'automates, de statues et d'ives taillées qu'on appelle Versailles, est rompu. Grâce à Dieu, le roi est replacé dans la vie et la vérité, c'est-à-dire dans la nature réelle de l'homme. Venez, sire, venez parmi nous. Jusqu'à ce jour, vous n'aviez, entouré comme vous l'étiez, que la liberté de faire le mal. Aujourd'hui, au milieu de nous, au milieu de votre peuple, vous avez toute liberté de faire le bien. Souvent les masses et les individus mêmes se trompent sur ce qu'ils sont ou plutôt sur ce qu'ils vont être. La peur éprouvée pendant les journées des 5 et 6 octobre avait ramené au roi non seulement une foule de cœurs, mais encore beaucoup d'esprit, beaucoup d'intérêt. Ses cris dans l'obscurité se réveillent au milieu de la nuit, ses feux allumés dans la cour de marbre éclairant les grands murs de Versailles de leurs funèbres reflets. Tout cela avait frappé fortement les imaginations honnêtes. L'assemblée avait eu grand-peur, plus peur quand le roi avait été menacé que lorsqu'elle avait été menacée elle-même. Alors, il lui semblait encore qu'elle dépendait du roi. 6 mois ne s'écouleront pas sans qu'elle sente au contraire que c'est le roi qui dépend d'elle. 150 de ses membres prirent des passeports. Mounier et Lally, le fils du Lally mort en grève, se sauvèrent. Les deux hommes les plus populaires de France, Lafayette et Mirabeau, revenaient royalistes à Paris. Mirabeau avait dit à Lafayette « Unissons-nous et sauvons le roi ». Par malheur, Lafayette, honnête homme par excellence, mais esprit borné, méprisait le caractère de Mirabeau et ne comprenait pas son génie. Il se contenta d'aller trouver le duc d'Orléans. On avait dit beaucoup de choses sur son Altesse. On avait dit que pendant la nuit, le duc avait été vu, un chapeau rabattu sur les yeux, une badine à la main, agitant les groupes dans la cour de marbre, les poussant au pillage du château dans l'espérance que le pillage serait en même temps l'assassinat. Mirabeau était tout au duc d'Orléans. Lafayette, au lieu de s'entendre avec Mirabeau, alla trouver le duc d'Orléans et l'invita à quitter Paris. Le duc d'Orléans discuta, lutta, se raidit, mais Lafayette était réellement roi. Il lui fallut obéir. « Et quand reviendrai-je » demanda-t-il à Lafayette. « Quand je vous dirai qu'il est temps de revenir, mon prince, » répondit celui-ci. « Et si je m'ennuie et que je revienne sans votre permission, monsieur ?» demanda hautainement le duc. « Alors, » répondit Lafayette, « j'espère que le lendemain de son retour, votre Altesse me fera l'honneur de se battre avec moi. » Le duc d'Orléans partit et ne revint que rappelé. Lafayette était un peu royaliste avant le 6 octobre, mais après le 6 octobre, il le devint réellement, sincèrement. Il avait sauvé la reine et protégé le roi. On s'attache par les services qu'on rend, bien plus qu'on est attaché par les services qu'on reçoit. C'est qu'il y a, dans le cœur de l'homme, bien plus d'orgueil que de reconnaissance. Le roi et Madame Élisabeth, tout en sentant qu'il avait au-dessous et peut-être au-dessus de tout ce peuple, un élément fatal qui ne voulait pas se mêler à lui, quelque chose de haineux et de vindicatif comme la colère du tigre qui rugit tout en caressant, le roi et Madame Élisabeth avaient été réellement touchés. Mais il n'en était pas de même pour Marie-Antoinette. La mauvaise disposition où était le cœur de la femme nuisait à l'esprit de la reine. Ses larmes étaient des larmes de dépit, de douleur, de jalousie. De ces larmes qu'elle versait, il y en avait autant pour Charny qu'elle sentait s'échapper de ses bras que pour ce sceptre qu'elle sentait s'échapper de sa main. Aussi voyait-elle tout ce peuple, entendant-elle tous ses cris, avec un cœur sec, un esprit irrité. Elle était plus jeune en réalité que Madame Élisabeth, ou plutôt du même âge à peu près. Mais la virginité d'âme et de corps avait fait à celle-ci une robe d'innocence et de fraîcheur qu'elle n'avait pas encore dévêtue, tandis que les ardentes passions de la reine, haine et amour, avaient jauni ses mains, pareilles à de l'ivoire, avaient serré sur ses dents ses lèvres blêmies, et avait étendu au-dessous de ses yeux ces nuances nacrées et violâtres qui révèlent un mal profond, incurable, constant. La reine était malade, profondément malade, malade d'un mal dont on ne guérit pas, car son seul remède est le bonheur et la paix, et la pauvre Marie-Antoinette sentait que c'en était fait de sa paix et de son bonheur. Aussi, au milieu de tous ces élans, au milieu de tous ces cris et de tous ces vivas, quand le roi tend les mains aux hommes, quand Madame Élisabeth sourit et pleure à la fois aux femmes et aux petits-enfants, la reine sent son œil, mouillé des larmes de sa propre douleur, à elle, redevenir sec devant la joie publique. Les vainqueurs de la Bastille s'étaient présentés chez elle, et elle avait refusé de les recevoir. Les dames de la halle étaient venues à leur tour, elle avait reçu les dames de la halle, mais à distance, séparées d'elle par d'immenses paniers. En outre, ces femmes, comme une avant-garde destinée à la défendre de tout contact, s'était jetée au-devant d'elle. C'est une grande faute que faisait Marie-Antoinette. Les dames de la halle étaient royalistes, beaucoup avaient désavoué le 6 octobre. Ces femmes, alors, lui avaient adressé la parole, car dans ces sortes de groupes, il y a toujours des orateurs. Une femme plus hardie que les autres s'était érigée en conseiller. « Madame la reine, avait dit cette jeune femme, veuillez me permettre de vous donner un avis, mais là, un avis à la grosse morgienne, c'est-à-dire venant du cœur. » La reine avait fait de la tête un signe si imperceptible que la femme ne l'avait pas vu. « Vous ne répondez pas, » avait-elle dit, « n'importe, je vous le donnerai tout de même. Vous voilà parmi nous, au milieu de votre peuple, c'est-à-dire au sein de votre vraie famille. Il faut maintenant éloigner de vous tous ces courtisans qui perdent les rois et aimer un peu ces pauvres Parisiens qui, depuis 20 ans que vous êtes en France, ne vous ont peut-être pas vu 4 fois. « Madame, » répondit sèchement la reine, « vous parlez ainsi parce que vous ne connaissez pas mon cœur. Je vous aimais à Versailles, je vous aimerai de même à Paris. » Ce n'était pas beaucoup promettre. Aussi, un autre orateur reprit. « Oui, oui, vous nous aimiez à Versailles. C'était donc par amour que le 14 juillet, vous vouliez assiéger la ville et la faire bombarder. C'était donc par amour que le 6 octobre, vous vouliez vous enfuir aux frontières, sous le prétexte d'aller au milieu de la nuit à Trianon. C'est-à-dire, reprit la reine, que l'on vous a rapporté cela, et que vous l'avez cru. Voilà ce qui fait à la fois le malheur du peuple et celui du roi. Et cependant, pauvre femme, ou plutôt pauvre reine, au milieu des résistants de son orgueil et des déchirements de son cœur, elle trouva une heureuse inspiration. Une de ses femmes, alsacienne de naissance, lui adressa la parole en allemand. « Madame, lui répondit la reine, je suis devenue tellement française que j'ai oublié ma langue maternelle. » C'est charmant à dire, malheureusement, ce fut mal dit. Les dames de la halle pouvaient s'éloigner en criant à plein cœur « Vive la reine !» Elles s'éloignèrent en criant du bout des lèvres et en grognant entre leurs dents. Le soir, étant réunis, le roi et madame Élisabeth, sans doute pour se consoler, pour se raffermir l'un l'autre, se rappelaient tout ce qu'ils avaient trouvé de bon et de consolant dans ce peuple. La reine ne trouva qu'un fait à ajouter à tout cela. C'était un mot du dauphin qu'elle répéta plusieurs fois, ce jour-là et les jours suivants. Au bruit qu'avaient fait les dames de la halle, en entrant dans les appartements, le pauvre petit était accouru près de sa mère et s'était serré contre elle en s'écriant « Bon Dieu, maman, est-ce qu'aujourd'hui est encore hier ?» Le petit dauphin était là. Il entendit ce que sa mère disait de lui, et fier comme tous les enfants qui voient qu'on s'occupe d'eux, il s'approcha du roi et le regarda d'un air pensif. « Que veux-tu, Louis ?» demanda le roi. « Je voudrais, » répondit le dauphin, « vous demander quelque chose de très sérieux, mon père. »« Eh bien, » dit le roi en la tirant entre ses jambes, « que veux-tu me demander ? Voyons, parle. »« Je désirais savoir, » continua l'enfant, « pourquoi votre peuple, qui vous aime tant, s'est tout à coup fâché contre vous, et ce que vous avez fait pour le mettre si fort en colère. »« Louis !» murmura la reine avec l'accent du reproche. « Laissez-moi lui répondre, » dit le roi. Madame Élisabeth souriait à l'enfant. Louis XVI prit son fils sur ses genoux et mettant la politique du jour à portée de l'intelligence de l'enfant. « Mon fils, lui dit-il, j'ai voulu rendre le peuple encore plus heureux qu'il ne l'était. J'ai eu besoin d'argent pour payer les dépenses occasionnées par les guerres. J'en ai demandé à mon peuple, comme l'ont toujours fait les rois, mes prédécesseurs. Les magistrats qui composent mon parlement s'y sont opposés. Et on dit que mon peuple seul avait le droit de me voter cet argent. J'ai assemblé à Versailles les premiers de chaque ville par leur naissance, leur fortune et leur talent. C'est là ce qu'on appelle les états généraux. Quand ils ont été assemblés, ils m'ont demandé des choses que je ne puis faire, ni pour moi, ni pour vous, qui serez mon successeur. Il s'est trouvé des méchants qui ont soulevé le peuple, et les excès où il s'est porté les jours derniers sont leur ouvrage. Mon fils, il ne faut pas en vouloir au peuple. » À cette dernière recommandation, Marie-Antoinette serra les lèvres. Il était évident que, chargé de l'éducation du dauphin, ce n'était point vers l'oubli des injures qu'elle eût dirigé cette éducation. Le lendemain, la ville de Paris et la garde nationale envoyèrent prier la reine de paraître au spectacle et de constater ainsi, par sa présence et par celle du roi, qu'il résidait avec plaisir dans la capitale. La reine répondit qu'elle aurait grand plaisir à se rendre à l'invitation de la ville de Paris, mais qu'il lui fallait le temps de perdre le souvenir des journées qui venaient de se passer. Le peuple l'avait déjà oublié, il fut étonné qu'on se souvînt. Lorsqu'elle apprit que son ennemi, le duc d'Orléans, était éloigné de Paris, elle eut un moment de joie. Mais elle ne sut point gré à Lafayette de cet éloignement. Elle crut que c'était une affaire personnelle entre le prince et le général. Elle le crut ou fit semblant de le croire, ne voulant rien devoir à Lafayette. Véritable princesse de la maison de Lorraine, pour la rancune et la hauteur, elle voulait vaincre et se venger. « Les reines ne peuvent se noyer », avait dit Madame Henriette d'Angleterre au milieu d'une tempête. il était de l'avis de Madame Henriette d'Angleterre. D'ailleurs, Marie-Thérèse n'avait-elle pas été plus près de mourir qu'elle, quand elle avait pris son enfant entre ses bras et l'avait montré à ses fidèles Hongrois? Ce souvenir héroïque de la mère influa sur la fille. Ce fut un tort, le tort terrible de ceux qui comparent les situations sans les juger. Marie-Thérèse avait pour elle le peuple, Marie-Antoinette l'avait contre elle. Puis elle était femme avant tout et peut-être, hélas, eût-elle mieux jugé la situation si son cœur eût été plus en paix. Peut-être eût-elle un peu moins haï le peuple, si Charny l'eût aimé davantage. Voilà donc ce qui se passait aux Tuileries pendant ces quelques jours où la révolution faisait halte, où les passions exaltées se refroidissaient et où, comme pendant une trêve, amis et ennemis se reconnaissaient pour recommencer à la première déclaration d'hostilité un nouveau combat plus acharné, une nouvelle bataille plus meurtrière. Ce combat est d'autant plus probable, cette bataille est d'autant plus instante, que nous avons mis nos lecteurs non seulement au courant de ce qui peut se voir à la surface de la société, mais encore de tout ce qui se trame dans ses profondeurs.